Il est un pays de couleurs authentiques, d'hommes, de terre et d'eau énigmatiques. Partout, la vie déborde et ruisselle d'un sang vrai que l'océan ensorcelle. Partout, la vie déborde et ruisselle d'un sang vrai que l'océan ensorcelle. Là-bas, l'océan se marie au lointain, au bras d'un soleil rouge libertin. Il se couche dans un lit de bleu capitonné, le ventre s'agit déboutonné. Il se couche dans un lit de bleu capitonné, le ventre s'agit déboutonné. Là-bas, l'océan nous revient du lointain, porté par les vents violents du matin. Au pied d'autels tout en pierre et d'eau, sous un ciel humide de chaos. Au pied d'autels tout en pierre et d'eau, sous un ciel humide de chaos. Partout, la vie.